Qu'est-ce qu'un vin sans sulfite ajouté? Pourquoi utiliser des sulfites dans le vin et pourquoi décider de ne pas en ajouter? Pourquoi certains consommateurs se méfient des sulfites dans un vin? Qu'en est-il du marché? Et quelles sont les motivations des consommateurs à acheter un vin sans sulfite ajouté? Nous allons y répondre aujourd'hui. AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour à tous et bienvenue dans AgroJ'écoute. Je suis Théophile, accompagné de Alix et Émilie de l'école d'ingénieurs de Purpan. Aujourd'hui, depuis le studio Campus FM à Toulouse, nous allons nous plonger dans un sujet qui suscite à la fois curiosité mais aussi débat, les vins sans sulfite ajouté. Bonjour, je suis Émilie et c'est vrai que ce sujet nous a beaucoup intrigués, mais ça reste quand même assez flou sur ce que sont vraiment les sulfites, leurs enjeux et leur rôle dans les vins. Et j'ai pu voir que produire un vin sans sulfite ajouté, ça demande quand même beaucoup de précision et de technique. Mon père est vigneron indépendant au Château Baudard à Fronton. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu découvrir les vins sans sulfite ajouté. Mais aussi, on voit que du côté des consommateurs, il y a une demande. Et les gens en fait, s'intéressent de plus en plus à ce que sont les sulfites et aussi à chercher un produit sans sulfite ajouté. Et bonjour, moi c'est Alix. Au programme de cette émission, après avoir défini les vins sans sulfite ajouté et discuté autour de leur base historique et technique, nous allons pouvoir accueillir Carole Honoré-Chedozo, experte du pôle sensoriel IAV Sicarex Beaujolais, qui va nous en dire un peu plus sur les perceptions des consommateurs qui ont autour des vins sans sulfite ajouté. Et nous tenons à adresser nos remerciements à Frédéric Charrier, ingénieur œnologue à l'IFV, Ronan Simoneau, enseignant chercheur à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, et enfin Olivier de Marcillac, vigneron de l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, trois professionnels du monde du vin qui ont bien voulu échanger avec nous autour de ce sujet pour qu'on puisse un peu se l'approprier et en savoir davantage. Donc nous vous proposons de vous installer confortablement et c'est parti pour 30 minutes d'échange. Donc aujourd'hui, on s'attaque au sujet des vins sans sulfite ajouté. Donc avant de parler un peu de l'histoire, est-ce qu'on peut revenir sur qu'est-ce que c'est que les sulfites? Oui, bien sûr. Donc du coup, les sulfites, c'est une forme de dioxyde de soufre. En chimie, on le nomme SO2. Donc c'est pour un atome de soufre lié à deux atomes d'oxygène. Et il est très réputé en vinification parce qu'il a donc trois propriétés qui présentent beaucoup d'avantages auprès des vignerons. C'est parce qu'il il a un rôle antiseptique, un rôle antioxydant et un rôle antioxydasique. Donc on va un peu expliquer tous ces termes. Donc tout d'abord, antiseptique, c'est-à-dire qu'il va venir les sulfites vont venir inhiber l'action de certains micro-organismes, donc par exemple levures ou bactéries, qui peuvent être présents dans le vin et qui vont, en inhibant leur action, empêcher leur prolifération, qui parfois peuvent donc causer des effets indésirables, notamment des altérations organoleptiques du vin, déséquilibrer la structure du vin ou encore développer des champignons. Et il y a aussi des propriétés antioxydantes, donc ça va empêcher l'oxygène d'altérer les qualités du vin quand c'est surtout pas souhaité. Et donc ils ont aussi une action antioxydasique sur le moût. Donc déjà le moût, c'est le jus de raisin avant la fermentation. Et en fait, ça va permettre de préserver les arômes et aussi la couleur pour assurer vraiment une meilleure conservation, notamment pour la vinification des blancs. Et donc c'est pour ça en fait que pour de nombreux vignerons, c'est considéré comme indispensable. Et les sulfites sont une sorte d'assurance pour la conservation de leur vin. Mais en fait, on va voir que ça ne fait pas toujours l'unanimité. Donc si je retiens, les sulfites ont trois propriétés. Une propriété antioxydasique, antioxydante et antiseptique. Mais d'où revient leur première utilisation ? Alors, ça date un peu quand même. C'est vrai que le vin, ça a été créé il y a vraiment longtemps, donc jusqu'à moins 6000 avant Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, il n'y avait aucune utilisation de soufre qui était pratiquée dans la vinification. Les débuts du soufre, c'est apparu dans l'Antiquité par les Romains. En fait, c'était au moment où les barriques sont venues remplacer les amphores en terre cuite. Donc, c'était les contenants qui étaient utilisés pour conserver le vin. Et donc, les Romains, en fait, ont commencé à brûler du soufre et les gaz qui étaient émis, les Romains se sont rendus compte qu'en fait ça désinfectait les fûts et donc voilà, c'est là que le début du soufre est apparu. Et ensuite on fait un petit saut dans le temps, c'était au 15e siècle, il y a eu une première législation qui est apparue, donc un décret allemand qui a autorisé l'utilisation de copeaux de bois imbibés de soufre. On pouvait donc les mettre dans les vins et ça permettait donc d'avoir le rôle antioxydant, anti-oxydatique et antiseptique. Et ça s'est vraiment généralisé à la révolution industrielle jusqu'au 20e siècle. Voilà, on sulfitait énormément. Aujourd'hui, on sulfite un peu moins de manière générale, mais c'est vrai que l'utilisation de soufre reste quand même assez centrale et essentielle pour protéger dans un premier temps le moût et puis ensuite le vin. Ok, mais du coup, maintenant qu'on a compris l'histoire et quel est le rôle des sulfites, mais pourquoi, il y a la question que tout le monde peut se poser, pourquoi enlever ces sulfites du vin ? Bah déjà, je vais revenir sur la définition. Donc, un vin sans sulfite ajouté, c'est tout simplement un vin où on n'a pas ajouté de sulfite pendant la vinification. Et en fait, il faut savoir que pendant la fermentation, il y a des levures qui synthétisent naturellement des sulfites, mais en quantité très faible. Et en fait, d'ajouter du SO2, ça permet donc de renforcer les trois pouvoirs des sulfites. Pour s'en passer, en fait, il faut mettre en place des techniques assez rigoureuses pour vraiment compenser cette absence de sulfite tout au long de la vinification. Et donc c'est vrai qu'il y a des vignerons voilà, qui se posent un peu la question, remettent en cause un peu ces sulfites et veulent essayer de ne pas les utiliser. Pourquoi ? Alors c'est vrai que les sulfites peuvent être réputés pour inhiber ou en tout cas diminuer un peu l'expression de certains arômes. Ce qui fait qu'un vin sans sulfite ajouté va en général avoir, s'il est réussi, va avoir un goût beaucoup plus pur et ça va les... Chez les cépages fruités, les arômes vont être bien plus prononcés, ce qui donc rend le goût assez authentique et plus intéressant. Et ensuite, il y a aussi une demande croissante aujourd'hui des vins entre guillemets sans, S-A-N-S, donc sans intrants, sans produits chimiques, pour des questions éthiques, préservation de l'environnement ou alors juste un meilleur goût. Et donc voilà, ça permet de répondre à ce type de profil consommateur. Et enfin, c'est vrai que le cliché dans le vin, c'est que les sulfites sont cause de maux de tête. Alors en effet, parfois c'est le cas, parfois non. Mais dans le cas où des consommateurs sont sensibles aux maux de tête en raison des sulfites, ça peut intéresser aussi ce type de profil. Ah oui, est-ce que vous pouvez revenir du coup sur la présence des sulfites naturels dans du coup les vins sans sulfites ajoutés ? Oui, c'est vrai que on le sait pas forcément, mais dans le raisin, il y a des sulfites naturellement présents, mais c'est vraiment en toute petite quantité. Donc, ce qui fait que si on n'ajoute pas de sulfites, ils sont pas assez nombreux pour avoir les trois pouvoirs antioxydant, antiseptique et antioxydasique. Donc, peu importe le vin que vous allez boire, il aura forcément des sulfites dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on précise sans sulfites ajoutés, parce que du coup, sans sulfites, ça n'existe pas. Enfin, du moins en tout cas, c'est très rare. C'est dans le cas où il y a vraiment moins de 10 mg de soufre par litre de vin. Et en fait, en cave, les sulfites naturels dans le vin, la production naturelle de ces sulfites, ça varie entre 10 et 30 mg par litre. Et en fait, dans des cas extrêmes où les conditions des levures sont très propices, ça peut monter jusqu'à 200 mg de soufre par litre de vin. Donc ça peut quand même beaucoup monter. Et la synthèse de ces sulfates vient du jus de raisin avant la fermentation. Et la production est influencée par... notamment la souche de levure, le contact avec l'oxygène et aussi certaines pratiques de vinification. C'est pour ça qu'au tout début, on peut déjà jouer sur la sélection des souches de levure pour contrôler cette production naturelle de sulfite. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a un risque potentiel s'il y a un excès ou alors une trop faible dose des sulfites dans le vin ? Oui, bien sûr. C'est vrai que il y a quand même beaucoup, enfin pas mal de points de vigilance à avoir, parce que donc la vinification est beaucoup plus complexe, dans le sens où par exemple, si la dose de sulfite ajoutée est trop élevée, le bouquet aromatique du vin va avoir tendance à être neutralisé, donc on sentira plus trop les arômes, et ensuite ça va apporter plein de défauts sensoriels, donc une odeur désagréable, le vin va être un peu plus acide, on peut avoir aussi une sensation de brûlure en fin de dégustation. Et puis en raison aussi de cette neutralisation des arômes, plus ou moins prononcés, ça dépend, ça va un peu uniformiser les vins et on parle un peu d'une standardisation des vins en raison des arômes moins distingués les uns des autres. Et au contraire, quand il y a une quantité trop faible de sulfite, et surtout quand le vin il n'est pas sécurisé, ça peut lier à une oxydation, une contamination microbienne qui n'est pas souhaitée. Et en fait, ça va compromettre les qualités sensorielles du vin. Et un vin sans sulfite ajouté avec des défauts peut être lié premièrement par des problèmes microbiens. Donc pour les rouges, on va vraiment avoir cette odeur déplaisante d'écurie ou de souris, ou des arômes de vinaigre et de dissolvant, donc c'est pas toujours agréable. Et aussi, on peut avoir des problèmes liés à l'oxydation. L'oxygène en fait va venir jaunir la couleur des rosés et des blancs, donc déjà visuellement ça va être moins agréable à regarder, et ensuite ça va laisser des arômes de pommes vertes qui sont très acides en bouche. Mais personnellement, pour avoir goûté des vins sans sulfite ajouté, quand ils sont réussis, ils peuvent être très bons. Et en fait, leur réussite, c'est vraiment le reflet de la rigueur du vigneron sur la vinification, mais aussi l'hygiène en cave pour prévenir vraiment toute cette apparition de défauts potentiels. D'accord, donc les sulfites, ça prévient l'oxydation, mais aussi des contaminations microbiennes. Mais est-ce qu'il y a une durée un peu optimale de conservation de ces vins ? Oui, alors les vins sans sulfite ajouté ont une consommation plus réduite. Et pour un rouge, ça va aller jusqu'à 3 ans. Pour un blanc, c'est à peu près 1 à 2 ans de conservation. Et pour les rosés, par contre, c'est moins. Ok, mais du coup, comme il y a une vulnérabilité au niveau de la production, est-ce qu'il y a une certaine complexité de travail pour les vignerons pour réaliser des vins sans sulfite ? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les manipulations supplémentaires qui pourraient être mises en place pour ces vins ? Oui, donc c'est vrai que c'est un vrai défi technique, mais ça intéresse certains vignerons d'ailleurs. Mais donc technique, voilà, parce que du coup, ils n'ont plus à disposition cet agent antioxydant, antiseptique et antioxydasique, du coup, ce qui effectivement rend la vinification plus complexe. Et donc, comme l'a dit Émilie, voilà, ça implique une rigueur, une minutie et davantage de temps en ce qui concerne la gestion de l'hygiène et de l'oxygène. Mais donc, pour y arriver, il y a différentes techniques qui ont été développées pour que les vignerons puissent avoir un peu des alternatives pour les aider. Donc, par exemple, d'un point de vue alternative physique, on va beaucoup jouer sur les températures. Par exemple, pendant le transport, on fait vraiment attention à la chaîne du froid. Et puis, sinon, en cave, on essaie vraiment de limiter les excès les sauts de température en général qui peuvent stimuler un peu les proliférations microbiennes. On va filtrer, vraiment bien clarifier son vin. Et aussi, ce qui est très connu, c'est lors de la mise en bouteille, on va faire une mise en bouteille, on dit par inertage, donc c'est-à-dire de remplir la bouteille avec un gaz inerte, en général c'est l'azote, qui du coup ne laisse plus de place à l'oxygène, et donc voilà, ça permet de préserver de l'oxydation. Et puis enfin, on peut aussi proposer d'utiliser des bouchons à vis au lieu d'utiliser des bouchons en liège, parce que c'est vrai que le liège, voilà, peut avoir un peu tendance à laisser passer l'air entre l'atmosphère et la bouteille. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des alternatives microbiologiques, donc ce qu'on appelle la bioprotection des moûts par des levures, donc en fait ça va éviter cette altération. Et il y a aussi des alternatives chimiques, donc il existe quand même des intrants qui peuvent remplacer le soufre, mais qui ont quand même un champ d'action plus restreint et qui peuvent parfois être plus coûteux. Donc on a l'équivalent un peu du jus de citron, donc ça va jouer en tant qu'antioxydant. On a aussi des conservateurs, le DMDC, donc c'est un antilevurien. Et ensuite, on a des lysosomes en fait, qui agissent comme des antibactériens. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les blancs d'œufs. Mais de manière générale, il faut être d'autant plus rigoureux sur l'hygiène. En fait, c'est vraiment un paramètre essentiel à l'élaboration d'un vin sans sulfite pour vraiment éviter toute altération possible. Et du coup, au départ, vous m'avez dit que les vins sans sulfite ajoutés, c'était un peu une réponse de la demande des consommateurs qui cherchaient des produits sans. Mais est-ce qu'il y a un lien entre du coup, les vins sans sulfite ajouté et les vins en biodynamie ou les vins en agriculture biologique et ou encore les vins en nature? Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de vins différents. Donc du coup, il y a le vin bio, vin biodynamique, vin méthode nature. Alors tous ne sont pas forcément sans sulfite ajouté. On parle de pratiques et de méthodes différentes pour produire un vin, mais ils ont quand même un objectif commun qui est de diminuer les impacts environnementaux, notamment en réduisant les intrants pour avoir un vin plus naturel. Et d'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur les différents types de vins, notamment le vin méthode nature, vous pouvez écouter le podcast numéro 11 de Agro J'écoute. Et un petit plus, donc il faut savoir que les tanins des vins rouges, donc ce composé qui va vraiment donner cette sensation râpeuse quand vous goûtez le vin en bouche, en fait, ça a des propriétés antioxydantes. C'est pour ça qu'un vin rouge, on va ajouter moins de sulfite qu'un rosé ou un blanc, par exemple. Et du coup, où est-ce qu'il en est maintenant le marché des vins sans sulfite ajouté? D'un côté, on observe vraiment une prise de conscience croissante chez les consommateurs. Donc, suite à un entretien avec Frédéric Charrier, qui est un ingénieur œnologue à l'IFEV, lui a pu distinguer trois profils différents. Donc, les vrais allergiques au sulfite, ceux qui se disent plus intolérants au sulfite, et pour ceux que les sulfites, en fait, c'est de ne pas en consommer, c'est vraiment une démarche avant tout écologique, mais aussi pour leur santé. Et du côté des vignerons, bah c'est vrai que du coup ça leur permet de diversifier leur gamme, voilà, de proposer un produit un peu plus particulier. C'est aussi un défi technique pour eux. Certains, voilà, ça les intéresse de pouvoir relever le défi. Ensuite, bah c'est un goût intéressant qui change, ce qui peut aussi être un point de motivation. Et enfin, alors c'est vrai que c'est un marché de niche, mais même s'il est petit, ce marché il persiste quand même. Et donc, ben certains trouvent que c'est dommage de ne pas y répondre. Donc pour conclure cette partie et l'entretien qu'on a pu réaliser avec Frédéric Charrier, donc produire un vin sans sulfite réussi, c'est une véritable démonstration de savoir-faire de la part du vigneron. Donc aujourd'hui, il n'existe aucune alternative qui rivalise avec l'efficacité, la polyvalence et le faible coût du SO2. Donc merci Alix et merci Émilie d'avoir éclairci un peu le sujet. Donc on va se retrouver dans 2 minutes après une pause musicale pour accueillir Carole Honoré Chedozo, qui est une experte du pôle sensoriel de l'IFV. On va pouvoir parler du coup du marché et des consommateurs des vins sans sulfite ajouté. Donc la pause musicale, c'est une instrumentation réalisée par le frère d'Émilie, donc Martial Blou, qui est un jeune auteur-compositeur qui nous partage un échantillon de son nouvel album. Et Rebonjour à tous. Merci beaucoup de nous retrouver après la pause musicale. C'était donc Martial Blue, le frère d'Emilie. Nous sommes toujours dans l'émission Agro J'écoute sur le site de Campus FM Toulouse. Donc pour rappel, on est en train de discuter des vins sans sulfite ajouté. Avant la pause, nous avons expliqué qu'est-ce que sont les sulfites, leur rôle dans la vinification, la conservation des vins, pourquoi ils sont intéressants, pourquoi ils sont remis en cause par certains. Et donc voilà, donc les raisons qui poussent certains vignerons et consommateurs à privilégier les vins sans sulfite ajouté. Et maintenant, pour aller plus loin, nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée Carole Honoré Chedozo, avec qui nous allons explorer tout un autre aspect qui est quand même crucial sur ce sujet-là, c'est les perceptions en fait et les attentes des consommateurs face aux vins sans sulfite ajouté. Donc bonjour Carole. Bonjour à tous. Donc Carole, vous êtes œnologue et chercheuse en sciences sensorielles spécialisée dans le vin. Vous avez obtenu votre doctorat en 2017 à l'université de Bourgogne et après 9 ans à la SICAR Expo-Jolet, vous avez rejoint en 2023 l'Institut de la vigne et du vin sur l'unité Villefranche-sur-Saône au pôle sensoriel. Donc ce pôle mène des projets de recherche sur le vin, ses contenants et les dégustateurs. Et vous travaillez sur des sujets d'actualité comme les vins sans sulfite ajouté, le sujet de notre podcast aujourd'hui, mais aussi sur la désalcoolisation des vins et les vins blancs élaborés avec des différentes techniques d'acidification. C'est tout à fait ça, oui. Oui. Bon, mais on va commencer nos questions. Donc, premièrement, en fait, c'est une question qu'on se posait, c'est la première question qu'on s'est posée entre nous. Quand on est dans un magasin et qu'on regarde l'étalage des vins qui nous sont proposés, on ne sait jamais quel vin choisir, comment les distinguer les uns des autres. Et surtout, les vins sans sulfite ajouté, ce n'est pas très connu. Mais bon, quand on en cherche un, comment on peut le trouver parmi les autres bouteilles? Alors là, la tâche, elle est encore plus ardue, je pense, que trouver le bon vin pour partager une bonne soirée avec ses amis le soir. Moi, je compare vraiment ça à une partie de chercher trouver les vins sans sulfite en magasin, vous voyez. Non, plus sérieusement, ça reste vraiment une mention volontaire de la part des producteurs, donc qui n'est pas régie par un label ou une réglementation spécifique. Donc, ça veut dire que on a un constat d'une hétérogénéité des messages aujourd'hui, avec plus d'une centaine de mentions directes à poser sur les étiquettes de ces vins, qui diffèrent par leur forme, leur taille, leur texte, mais aussi leur positionnement sur l'étiquette. Donc, concrètement, ça va prendre la forme d'un logo, d'une estampille, d'une simple mention qui peut être très visible sur la face avant de l'étiquette de vin, jusqu'à la toute petite subtile mention qui va être noyée dans le texte de la contre-étiquette, là, en tout petit, vous voyez, situé entre l'histoire du producteur et puis les accords mets les vins, juste là. Donc, au final, vous avez en main une ribambelle d'indices assez énormes qui vont vous permettre de trouver les vins sans sulfite à ajouter, bien cachés parmi tous les autres vins. Donc, à noter aussi que cette mention sans sulfite, c'est pas forcément le premier argument de vente de certains producteurs aussi, qui ne souhaitent pas forcément mettre ça en avant en premier, que ça concerne différents modes de production, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et qu'aujourd'hui, dans les rayonnages, ces vins, ils sont pas mis à part, comme on peut trouver dans certains lieux de vente pour les vins bio ou plus récemment les vins sans alcool, ce qui va amplifier finalement la difficulté à les distinguer facilement dans un rayonnage. Oui. Et du coup, on se demandait, on a lu une étude que vous avez réalisée du coup avec votre collègue Ronan Simoneux, qui est chargé de recherche en évaluation sensorielle et sciences des consommateurs à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, donc l'ESA. Cette étude est traitée de la perception des vins sans sulfite ajouté par les consommateurs. Et du coup, on voulait savoir qu'est-ce que vous en avez retenu de cette étude et quelles sont les motivations des consommateurs à acheter ces vins. Oui, alors ça fait 4 ans qu'on conduit plusieurs études sur ce sujet avec Ronan notamment, sur les consommateurs. Et l'étude dont vous parlez, ça a pris la forme d'une enquête en ligne auprès de 1167 consommateurs français, donc vraiment un gros panel, ah oui, oui. Avec 80% d'entre eux déclarant consommer des vins sans sulfite, que ce soit de manière très occasionnelle ou complètement exclusive. Mais aussi 20% d'entre eux qui étaient non consommateurs de ces vins. L'objectif ici, c'était vraiment pour nous de dresser toute la liste de l'ensemble des motivations et non-motivations à consommer ces vins, ainsi bien sûr que les profils de consommateurs associés. Donc dans cette étude, on a finalement montré que les principales motivations sont surtout centrées sur le désir de consommer des vins avec moins d'additifs, qu'ils soient plus naturels, mais aussi plus digestes, ça revient assez souvent, avec des bénéfices à la fois pour la santé et l'environnement, mais aussi une certaine curiosité pour aller vers ces vins et une recherche d'un meilleur goût vis-à-vis des pendants avec sulfite. Les consommateurs associés à ces motivations, au final, ce sont principalement des femmes qui consomment quand même plus de 50% de ces vins sans sulfite dans leur consommation de vin en général, qui ont des préoccupations très fortes pour la santé et l'environnement, et qui déclarent aussi être sensibles au sulfite. Pas forcément d'un point de vue allergène, mais vraiment une sensibilité déclarée. À l'inverse, on va dans tout ce qui va être sur les non-motivations cette fois, donc qui va faire fuir les consommateurs, ça va être centré principalement sur le prix, l'effet de mode, la tendance, la conservation courte aussi, qui va faire partie de ces non-motivations, et aussi le manque d'informations et à la fois de connaissances, mais aussi la disponibilité de ces vins. Disponibilité que ce soit au niveau des lieux de vente sur lesquels on peut les trouver, mais aussi sur le nombre de références qui est proposé aujourd'hui une fois qu'on les a trouvées dans un magasin. Donc pour ces consommateurs-là, ça va surtout être des personnes qui vont être plus âgées que les précédents, sans distinction de genre, pas forcément une majorité d'hommes ou de femmes, qui vont être moins impliqués dans le vin en général et qui sont surtout moins préoccupés par l'environnement et la santé. Voilà ce que je peux vous dire en résumé de cette étude. Et du coup, on a une dernière question. On a pu mener un entretien avec Monsieur Olivier de Marcillac, qui est vigneron de l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux, et qui produit, qui a une cuvée sans sulfite ajouté, pour l'avoir goûté, qui est vraiment, vraiment sympa. Il nous a parlé, lui, d'un marché de niche autour de ce type de vin. Et du coup, on voulait un peu savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, du marché autour des vins sans sulfite ajouté. Alors, je suis complètement d'accord avec ces propos pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il est difficile de quantifier précisément le nombre de références et de volumes produits sur le marché, que ce soit en France ou à l'étranger, car finalement, cette mention, elle ne fait pas encore aujourd'hui partie des indicateurs mesurés, que ce soit à travers des baromètres publiés annuellement ou des observatoires au sein des instituts ou des interprofessions. Nous avons quand même des consommateurs qui sont finalement un des premiers témoins de ce marché qui disent eux-mêmes, dans les études qu'on a pu faire, qu'ils ont des difficultés à trouver ces vins lorsqu'ils les recherchent, que ce soit dans les lieux de vente ou une fois qu'ils les trouvent sur la diversité qui est proposée, qui est assez faible. Et certains même ne savent même pas que ces vins existent et sont proposés sur le marché. Donc ça préfigure quand même d'être un marché de niche. Et moi, je constate sur le terrain depuis ces dernières années une augmentation du nombre de références proposées, que ce soit par les producteurs particuliers, les négoces ou les caves coopératives. Là où il y a 5 ans, on trouvait quelques références, 3, 4, 5 références sur nos observatoires. Aujourd'hui, on voit passer plus fréquemment des vins sans sulfite ajouté chez nous, sous l'ordre de quelques dizaines maintenant. Donc on voit qu'il y a une progression de la production. Mais quand on regarde précisément ces références, finalement, on constate que les volumes qui sont associés à ces cuvées restent faibles la plupart du temps, de l'ordre de la cuvée confidentielle finalement. Et donc, on peut effectivement, pour moi, parler d'un marché de niche qui émerge et qui fait beaucoup parler dans les médias, mais qui progresse d'année en année. On observe aussi, quand on regarde sur le site du label 20 Méthodes Nature, un nombre aussi d'adhésions qui augmente au fil des ans, mais qui reste pas si grand que ça. Et puis, pour finir, je pense pour justifier un peu cet effet marché de niche, je pense que c'est aussi le reflet de la prise de risque au niveau technique de la part des producteurs, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, pour des vins qui ont aussi, faut le rappeler, une conservation plus courte, donc qui nécessitent d'être vendus et consommés plus rapidement que lorsqu'ils sont protégés par les sulfites. Donc, je pense que ça explique aussi cet effet marché de niche, dans un contexte vraiment de déconsommation des vins. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui freine aussi certains producteurs à se lancer dans ce défi technique. Ok, merci beaucoup Carole. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces différentes questions et sujets autour du vin sans sulfite ajouté. Merci à vous de m'avoir invitée. Ça fait très plaisir de pouvoir parler des études en cours. On voit aussi que vous êtes passionné par ce que vous racontez, donc c'est d'autant plus intéressant de parler avec vous. Et donc du coup, ben, on va pouvoir un peu conclure sur ce sujet, autour des vins sans sulfite ajouté, donc qui est quand même un produit assez prestigieux, qui se distingue donc, par la complexité et la minutie qu'exige son élaboration, qui du coup dépasse souvent celle des vins plus classiques. C'est vrai que sur le plan aromatique, bah, on a vu qu'il séduit un profil de consommateur par une expression exubérante de certains arômes, révélant pleinement le fruit et le terroir dont il est issu. Et donc, bah, sa particularité, c'est qu'il est dépourvu de soufre, donc le composé chimique responsable de la neutralisation de certains carbones, ce qui fait que le vin sans sulfite ajouté est souvent un signe d'authenticité et de pureté. Et d'ailleurs, comme le disent certains vignerons, un bon vin sans sulfite ajouté fera l'unanimité, contrairement à un vin plus standard où les avis vont être beaucoup plus divergents. Cependant, ben, l'absence de sulfite égale absence de protection contre l'oxydation et plein d'effets indésirables issus de contamination microbienne et autres. Il y a des producteurs qui sont intéressés par ce défi technique, ben, grâce à la particularité du produit, à la diversification de la gamme, qui a fait émerger un effet de mode autour de ce vin sans sulfite ajouté. C'était dans les années 2017-2018. Mais c'est vrai que cet effet de mode, il a été de durée très courte. On remet ça sur le fait que la technicité qu'impose l'élaboration d'un vin sans sulfite ajouté, notamment en ce qui concerne l'hygiène qui est rigoureuse à avoir et la gestion de l'oxygène, ça a conduit à de nombreux producteurs à avoir des résultats assez médiocres et du coup, y a beaucoup de consommateurs qui ont été déçus et du coup, ce qui a freiné la notoriété du vin sans sulfite ajouté. Oui, et aussi aujourd'hui, bien que les vins sans sulfite ajouté restent une production marginale, il y a certains vignerons qui relèvent toujours le défi. Ils appréciaient donc l'ajout d'un produit particulièrement distingué à leur gamme, tout en répondant à un marché de niche qui est économiquement intéressant à petite échelle. Donc de plus, la délicatesse de son goût véritable persiste comme une source de motivation pour sa production. Et pour que le vin sans sulfite ajouté ait un avenir, il devrait davantage se faire connaître des consommateurs et une connaissance qui devra ou pourra se faire via les vignerons. Et par ailleurs, on peut souligner une tendance générale chez les producteurs à réduire la dose du soufre utilisé lors de la vinification, ce qui marque un pas vers une approche plus à l'écoute des consommateurs et aussi à la recherche d'un produit du coup, qui est plus naturel. Donc c'était un plaisir d'échanger autour du sujet des vins sans sulfite ajouté. Nous réadressons un grand merci à Carole Honoré Chedozo de l'IFV pour sa participation à ce podcast, son expertise et ses éclairages précieux. Oui, nous remercions aussi également Frédéric Charrier, Ronan Simoneau et Olivier de Marcillac pour les entretiens qui ont nourri vraiment le contenu de cet épisode. Merci aussi à Campus FM Toulouse de l'accueil et de nous avoir permis de réaliser ce podcast. Et enfin, nous tenons à remercier l'École d'ingénieurs de Purpan et nos enseignants spécialisés, donc Adeline Bouvard, Simone Giuliano, Sophie Yvon, Olivier Geoffroy et Marianne Gosset pour leur aide et leur encadrement tout au long de ce projet. Et un grand merci à Martial Blou qui nous a permis d'avoir ces petites pauses musicales.